Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Instinct et intelligence des animaux. Les facultés mentales de l'homme et des animaux d'après Darwin, ce qui distingue l'instinct de l'intelligence. Darwin ne s'est pas occupé seulement de la structure corporelle des animaux, comparée à celle de l'homme. Il a fait le même travail pour leurs facultés intellectuelles, et cela avec une adresse de rapprochement qui dénote réellement chez lui le génie du paradoxe. Voici, en définitive, à quelle conclusion il est arrivé. Il n'y a aucune différence fondamentale entre l'homme et les mammifères les plus élevés au point de vue de leur faculté mentale. Ainsi, d'après Darwin, homme et animal, nous ne faisons qu'un sous le rapport intellectuel. Prenons-en acte, seulement, avant de discuter ce qu'il en est, commençons par être bien fixés sur ce qu'il faut entendre par faculté mentale. On désigne ainsi deux attributs primitifs, l'instinct et l'intelligence, mais, tout primitifs qu'ils sont, l'opposition la plus complète les sépare. Tout, dans l'instinct est aveugle, nécessaire et invariable, tout, dans l'intelligence, est électif, conditionnel et modifiable. Tout, dans l'instinct est inné, tout y est fatal. Tout, dans l'intelligence résulte de l'expérience et de l'instruction. Tout y est libre. Enfin tout, dans l'instinct est personnel et limité, tandis que tout, dans l'intelligence est général et perfectible. Mais quittons ce langage abstrait qui n'est pas dans nos habitudes, et qui d'ailleurs aurait besoin de commentaires pour être compris. Arrivons donc tout de suite aux exemples. Ils valent mieux que la meilleure des définitions. Nous parlerons d'abord de l'instinct des animaux, puis nous arriverons à leur intelligence. De l'instinct. Ce qu'on appelle instinct, exemples empruntés aux petits canards, aux nécrophores et aux pompiles, perfection de certains actes instinctifs, leur exécution est toujours machinale, instinct chez les animaux migrateurs, l'hirondelle en captivité. On ne saurait nier que la plupart des animaux soient avertis, par une sorte d'intuition naturelle, des besoins du moment et des nécessités de l'avenir. C'est cette intuition naturelle qu'on appelle l'instinct. Qui ne sait que les petits canards, au sortir de l'œuf, se précipitent vers l'eau, comme étant leur élément, et que le petit poulain, à peine né, va saisir le mamelon de sa mère. Citons deux autres exemples moins connus, mais peut-être plus frappants encore, de ce que peut l'instinct. Les nécrophores, quand elles ont pondu leurs œufs, vont chercher de la chair morte et la place tout à côté, afin que leur petit, à peine éclos, trouve leur nourriture toute prête. Quelquefois même elles pondent leurs œufs dans les cadavres eux-mêmes. Qui donc a pu leur apprendre que le seul aliment qui convienne à leur progéniture est la chair putréfiée? Les pompiles offrent, en fait de prévoyance, quelque chose de plus merveilleux encore. Ainsi, tout carnivores qu'elles sont, elles savent, comment le savent-elles, que leurs petits seront au contraire herbivores en naissant. Aussi disposent-elles, avant de mourir, car il n'est pas dans leur destinée de jamais les connaître, toute une provision de fourrage à leur portée. Passons maintenant à un autre ordre d'animaux. Ceux-là, doués peut-être d'une prescience moins raffinée, se distinguent surtout par la difficulté et la perfection de leurs actes instinctifs. L'oiseau devine qu'il a besoin d'un nid, et ce nid sera une merveille, par le choix et la combinaison des matériaux qu'il y fera entrer. Le castor devine qu'il a besoin d'une cabane, Et cette cabane sera une merveille, par les connaissances profondes en architecture qu'il déploiera pour sa construction. Note. Florence a raconté l'histoire d'un jeune castor qui, pris sur les bords du Rhône, fut transporté et allaité artificiellement dans le jardin des plantes. Il avait été mis dans une cage par conséquent, il n'avait pas besoin de cabane. Cependant, dès qu'il put se procurer les matériaux voulus, il se mit à en bâtir une aussi bien réussie que celle des castors les plus exercés. Fin de la note. Enfin, l'araignée devine qu'elle a besoin d'une toile, et cette toile sera une merveille également tant par son tissage que par sa réussite, qui est de servir de piège. Voilà donc des facultés qui revêtent chez ceux qui les possèdent une grande dose d'intelligence, et cependant cette intelligence, nous l'appelons instinct. Pourquoi? C'est que, quelque parfaits que soient les actes qui en sont l'expression, l'animal ne les a ni appris, ni calculés, ni prévus, il en a apporté le germe en naissant, comme il a apporté le germe de son développement physique ultérieur, puis il les a exécutés machinalement. La preuve, c'est que l'oiseau ne saurait faire autre chose que son nid, le castor, autre chose que sa cabane, l'araignée, autre chose que sa toile. Ainsi l'ont voulu leur destinée, sic voluere fata. On ne saurait donc mieux comparer les animaux, accomplissant ainsi leurs actes instinctifs, qu'à une montre qui dévide régulièrement sa chaîne, mais dont une main puissante, celle du Créateur, avait, longtemps d'avance, disposé les ressorts. Autre remarque, l'instinct ne constitue pas seulement une propension innée à faire certaines choses, toujours les mêmes, il représente quelquefois aussi une force intermittente à laquelle l'animal n'obéit qu'à certains moments. Voyez l'hirondelle en captivité. Vous aurez beau la séquestrer à l'intérieur des appartements, loin par conséquent des cris de ses camarades et des variations atmosphériques du dehors, toute chose qui pourrait l'avertir, elle n'en éprouve pas moins, à l'époque habituelle des départs, une agitation fébrile toute particulière, elle se démène dans sa cage, cherche une issue, et, n'en trouvant pas, se précipite sur les barreaux avec assez de violence pour s'arracher les plumes et se mettre la poitrine tout en sang. Le même phénomène s'observe, à un degré plus ou moins prononcé, chez tous les autres oiseaux migrateurs. Tel est l'instinct. Parlons maintenant de l'intelligence. De l'intelligence. L'intelligence est une faculté réfléchie, elle peut s'ajouter à l'instinct, elle peut en être indépendante, les animaux haïssent, sont reconnaissants, se vengent, sont sensibles à la louange, influence de leur cohabitation avec l'homme, le chien d'arrêt, de berger, de garde, de l'aveugle, du Mont-Saint-Bernard, du lys, un mot de Charlet. La domesticité des animaux naît de leur sociabilité. Quelques exemples. Si le chat fait exception, animaux apprivoisés et animaux asservis, aucune espèce solitaire n'a donné de race domestique. L'intelligence, avons-nous dit, diffère de l'instinct en ce que c'est une faculté réfléchie. Il peut se faire qu'elle vienne s'ajouter simplement à tel acte qui, dans le principe, avait été le produit de l'instinct. Ainsi, nous avons parlé de l'araignée, dont la toile, suivant l'expression de Reimarus, est le modèle des rayons qui partent d'un centre. Si je déchire cette toile, l'araignée la répare, mais elle ne la répare qu'à l'endroit déchiré, et ne touche point au reste. Il y a donc dans l'araignée l'instinct machinal qui fait la toile, puis intervient l'intelligence qui l'avertit de l'endroit à réparer, ainsi que de la nature de la réparation. Mais l'intelligence peut s'exercer d'une manière complètement indépendante de l'instinct. Elle se traduit alors par des actes spontanés, qui indiquent chez l'animal une impressionnabilité comparable à la nôtre, et où nous retrouvons parfois nos sentiments et jusqu'à nos passions. Citons au hasard quelques exemples. Les animaux aiment. Je ne parle pas de ces attachements naturels entre individus de même espèce et surtout de sexes différents, je parle de ces liaisons fortuites qui ne reconnaissent d'autre cause que de mutuelles sympathies. On a vu longtemps au jardin des plantes une girafe et un chien qui étaient devenus amis inséparables, la nuit comme le jour, ils vivaient côte à côte dans la même loge. La girafe surtout témoignait à son compagnon une tendresse excessive. Éloignait-on celui-ci, elle devenait triste, et, si son absence se prolongeait davantage, elle en perdait l'appétit et le sommeil. Les animaux haïssent. Attachés deux chevaux l'un à côté de l'autre dans la même écurie, eussent-ils tous les deux un excellent caractère, il pourra se faire que, par incompatibilité d'humeur, ils se querellent, et bientôt, si vous n'intervenez, ils en arriveront aux ruades et aux morsures. Les animaux sont reconnaissants. Qui ne connaît l'histoire d'Androclès épargné, au milieu du cirque, par un lion qui, prêt à le dévorer, s'arrêta tout d'un coup et se roula à ses pieds en les léchant. C'est qu'il venait de reconnaître en lui le bienfaiteur qu'il avait débarrassé autrefois d'une épine et d'un abcès dans les déserts de la Nubie. Les animaux se vengent. Demandez-le plutôt à ces charretiers sauvages et stupides qui s'acharnent à maltraiter de pauvres bêtes, plus d'un a payé bien chèrement son ignoble brutalité, et ce n'est pas moi, en pareil cas, qui prendrai parti pour l'homme. Enfin, les animaux sont sensibles à la louange. Tel, dit Ovide, est l'oiseau de Junon, le paon. Si vous vantez son plumage, il l'étale avec orgueil, si vous le regardez en silence, il en cache les trésors. Et le coursier, continue le même poète, combien, dans la lutte des chars, il aime les applaudissements donnés à sa crinière bien peignée et à sa fière encolure. Confère l'art d'aimer des Arte Amandi, livre 1er vers 650 et suivant. Ainsi donc l'animal ne possède pas seulement la faculté automatique appelée instinct, il possède de plus la faculté réfléchie appelée intelligence. Mais c'est surtout sous l'influence de la domesticité, c'est-à-dire de sa cohabitation avec l'homme, que l'animal atteint le plus haut développement de ce que je serais tenté de nommer les dons de l'esprit et du cœur. Voyez le chien d'arrêt, à peine il a flairé le gibier, qu'il hésite, ralentit le pas, regarde anxieusement autour de lui, rampe plutôt qu'il ne marche, puis enfin darde vers sa proie un œil immobile et profond qui a quelque chose de fascinateur. Parfois même il détourne doucement la tête vers son maître, et lui fait un signe qui veut dire « c'est là ». Voyez le chien de berger, quelle sollicitude et, en même temps, quel tact il déploie dans la surveillance du troupeau confié à ses soins. Toujours sur le qui-vive, il le fait stationner sur les places autorisées, en l'éloignant impitoyablement des packages interdits, et cela avec une sûreté de coup d'œil qui jamais n'est en défaut. Parlerai-je du chien de garde, sentinelle vigilante, il avertira de l'approche de l'ennemi et de l'imminence du danger par des aboiements formidables. Vainement vous tenterez d'acheter son silence par quelques friandises, il n'y touchera même pas. Par contre, du plus loin qu'il flairera son maître ou même qu'il l'entendra, car il le reconnaît rien qu'à son pas, il saluera sa bienvenue par des grognements caressants. Note. Je sais que Cerbère se laissa corrompre par le gâteau de miel et de substances soporifiques que lui fit jeter Aîné. Ce gâteau, il l'engloutit dans sa triple gueule, puis s'endormit dans son antre, ce qui permit au héros troyen de franchir les sombres bords. Mais Cerbère avec ses trois têtes n'appartenait pas plus à notre race canine que le singe, avec ses quatre mains, n'appartient à notre race humaine. L'honneur de nos chiens de garde reste donc parfaitement sauf. Fin de la note. Enfin, comment ne rien dire du chien de l'aveugle, et cependant Buffon l'a oublié, d'où on a conclu, non sans raison peut-être, qu'il avait plus de style que de cœur. C'est que, de tous les êtres de la création, c'est celui qui est plus de droit à notre sympathie, j'allais dire à nos respects, par la manière si délicate et si parfaite avec laquelle il remplit sa touchante mission. Examinez sa démarche. Elle est lente, mesurée, interrompue par de petites pauses, pour que l'infortuné dont il s'est fait le protecteur, et le guide, ait le temps de s'orienter et de reprendre haleine. Avec quel soin il évite les moindres obstacles du chemin, et, jusqu'aux plus petites inégalités du sol. Avec quelle précaution il traverse les rues et les carrefours, c'est qu'il lui faut prévenir tout choc, tout faux pas, toute rencontre. Il n'est pas jusqu'à l'expression suppliante de son regard qui ne soit un appel fait à votre pitié pour que vous laissiez tomber quelques menues monnaies dans la sébile qu'il vous tend d'une manière si humble. Mais ce n'est pas tout. Que son maître revienne à succomber, qui vous dit qu'il aura le courage de lui survivre. Oh, oui, c'est là de l'intelligence, et de l'intelligence puisée aux meilleures sources. Mais je n'en finirai pas, si je voulais énumérer tous les actes de dévouement ou d'affection que ce noble animal nous prodigue, en échange trop souvent des plus mauvais traitements. Le chien de Terre-Neuve périra plutôt que de ne pas arracher à la mort l'individu qui se noie, le chien du Mont-Saint-Bernard restera plutôt enseveli sous la neige que de ne pas en retirer le voyageur qu'a englouti la chute d'une avalanche. Enfin, qui n'a présent à la pensée l'émouvant épisode du chien d'Ulysse, reconnaissant son maître, bien que méconnaissable pour tous, et mourant de saisissement? N'est-ce pas tout Saint-Nicolas Charlet, qui a dit ce mot piquant, ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est le chien. Il est de fait que le chien, à certains égards, vaut infiniment mieux que l'homme, ce n'est jamais lui qui trahira son bienfaiteur parce que la fortune l'aura trahi, ou qui déchirera la main qu'il caressait la veille. On comprend donc que ce soit le chien que j'ai choisi comme type des animaux domestiques qui ont reçu l'intelligence en partage. Il en est d'autres toutefois parmi ceux-ci, qui mériteraient de même une mention à part, tel est le cheval, tel est surtout l'éléphant. Nous avons dit que c'est principalement par la domesticité que l'intelligence des animaux se développe. On se demandera sans doute pourquoi certaines espèces sont, seules, devenues domestiques, au milieu de tant d'autres demeurées sauvages. Les naturalistes, jusque dans ces derniers temps, s'étaient peu occupés de la domesticité des animaux, ils n'y voyaient qu'un effet de la puissance de l'homme sur les bêtes. Mais cette puissance ne suffit pas pour expliquer cette domesticité. Il y a une autre cause qui ressort du principe que voici, la domesticité des animaux naît de leur sociabilité. Il n'est pas une seule espèce, en effet, devenue domestique, qui, naturellement, ne vive en société, et, de tant d'espèces solitaires que l'homme n'aurait pas eu sans doute moins d'intérêt à s'associer, il n'en est pas une seule qui soit devenue domestique. Citons quelques exemples, pris de préférence parmi les mammifères. Le cheval, devenu par la domesticité l'associé de l'homme, l'est naturellement de tous les animaux de son espèce. Ainsi les chevaux sauvages vont par troupes, Ils ont un chef qui marche à leur tête, qu'ils suivent avec confiance et qui leur donne le signal de la fuite ou du combat. La même remarque s'applique à l'éléphant qui pousse plus loin encore le sentiment de la discipline et de l'obéissance à son chef. Le bœuf vit de même en société. Ne sait-on pas que c'est par milliers que, divisé par groupe, il peuple les savanes de Buenos Aires. Et le mouton, quel animal plus sociable, il nous suit aussi servilement qu'il suit le troupeau au milieu duquel il est né, c'est qu'il ne voit dans l'homme, pour nous servir d'une expression ingénieuse de Cuvier, que le chef de sa troupe. Cette expression va même nous donner la clé de la théorie de la domestication des animaux. L'homme n'est, pour les animaux domestiques, qu'un membre de la société, tout son art se réduit à se faire accepter par eux comme associé, car, une fois devenu leur associé, il devient leur chef, leur étant aussi supérieur qu'il l'est par son intelligence. Tous nos animaux domestiques sont donc, de leur nature, des animaux sociables. Le chat semble, au premier coup d'œil, faire une exception, car l'espèce chat est solitaire. Mais le chat est-il réellement un animal domestique? Il vit auprès de nous, mais s'associe-t-il à nous? Les chats, a dit Buffon, quoique habitants de nos maisons, ne sont pas entièrement domestiques, et les mieux apprivoisés n'en sont pas plus asservis. Il y a dans l'opposition de ces deux mots, apprivoisé et asservi, le germe d'une vérité importante sur laquelle je vais m'expliquer, car elle n'est peut-être pas généralement bien comprise. L'homme peut, en effet, apprivoiser jusqu'aux espèces les plus solitaires et les plus féroces. Il apprivoise l'ours, le lion, le tigre, les anciens ont eu des chars traînés par des tigres et des panthères. On voit tous les jours des ours qui obéissent à leur maître, qui se plient à des exercices et même déploient certaines adresses, et cependant aucune espèce solitaire, quelque facile qu'elle soit apprivoisée, n'a pu être asservie, en ce sens qu'elle n'a jamais donné de race domestique. Note. L'homme n'a qu'un petit nombre de moyens pour agir sur les animaux. La faim est le premier de ces moyens, et l'un des plus puissants, c'est par la faim qu'on soumet les jeunes chevaux élevés dans l'indépendance. La veille forcée est un moyen plus puissant encore. Nul n'abat plus l'énergie de l'animal et par conséquent ne le dispose plus sûrement à l'obéissance que la privation du sommeil, par la faim, par la veille forcée. L'homme excite ainsi les besoins de l'animal, mais il ne les excite que pour les satisfaire. Ce n'est en effet que là où commence le bienfait de notre part, que commence réellement notre empire. Fin de la note. C'est qu'une habitude n'est pas un instinct. C'est par habitude qu'un animal s'apprivoise, et c'est par instinct qu'il est sociable. L'intelligence, toutefois, joue encore ici le rôle prédominant. Ainsi, moins il est facile à apprivoiser, et plus il conserve de sa férocité naturelle. C'est ce qui explique ce mot d'un gardien du jardin des plantes à qui on demandait pourquoi, entrant si facilement dans la loge du lion et du tigre, il ne pénétrait jamais dans celle de l'ours blanc, c'est que, dit-il, il est trop bête. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur l'instinct et l'intelligence des animaux, car je crois en avoir dit assez pour que Darwin ne m'accuse pas d'avoir rien dissimulé ni rien amoindri pour faire ressortir davantage la prééminence de l'homme. Je me suis simplement attaché, comme toujours, à rester dans les limites de ce qu'apprend l'observation. Parlons maintenant de l'homme lui-même et des facultés qui lui assurent une supériorité hors ligne sur toutes les espèces animales. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF FR, Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.